Dégaine, Glock 9, pédé bouche up. Grosse gars, rangée dans le froc. Ton cam et les keufs font les fucks. Captain va finir au top. Je me suis trompé sur ton compte, pas sur les comptes. Un verre de trop, j'ai mis sur ses côtes. J'ai confiance quand mon flamme, mon fric et ma tease. Non, j'oublie pas tout ce qui s'est passé. Dans le foco des lots qui empilaient. Les faux frères finissent toujours par montrer leur vrai visage. Tellement de choses, t'as pas idée. J'cris libéré, chaîne chini, la belle vie. Et si tout ça n'était qu'un rêve. J'allume mon âge avec de la lave. Une grosse somme me console quand tu n'es pas là. J'ai plus aucune limite, j'ai plus le temps. J'suis dans le crime, crime, crime, crime. Fonce car dans l'auto, la nuit est si longue. Rien ne sera plus comme avant. J'suis dans le crime, crime, crime, crime. J'ai plus aucune limite. Remercie Dieu, mon casque est enrayé. Tu me croyais dans le trou BD, pourtant j'faisais que de brasser. Enlève tes fringues, si t'assistes ici, le temps se transforme en lové. J'ai des allers-retours au bendo, je crois que ta chérie m'a trop joué. J'suis dans le crime. J'ai pourri sans qu'elle soit abonnée. J'suis dans le crime. Remercie Dieu, mon corps est en rayé. J'suis dans le crime. En sachet, c'est le fun, tu me connais. J'suis dans le crime. Remercie Dieu, mon corps est en rayé. J'suis dans le crime. Une boucherie dans ton bloc pour une histoire de terrain. Bozo passe du feu, mon E c'est éteint. En temps de guerre, dis-moi où t'étais. Je bloque le compteur pour ton cul, pas pour ton cœur. On fume de la verse à ton petit cœur. Envoie les euros, convoi de B2, je recompte avec Bendé. Maman t'inquiète pas, ton fils, tout va bien. Oh chez tout, j'oublie tout, j'ai plus de peine. Entre ton corps, les mensonges, les litrons. Je laisse mes démons faire le tri. Me voir ici, qui l'aurait cru. Mon gobelet se renverse, j'ai trop bu. Excité comme Pico sur un plan. Broyer but pour le douanier, on n'en parle plus. J'ai plus aucune limite, remercie Dieu mon fils s'est enrayé. Tu me croyais dans le trou BD, pourtant je faisais que de brasser. Enlève tes fringues, si t'assistes ici, le temps se transforme en lové. J'les allers-retours au bendo, je crois que ta chérie m'a trop joué. J'suis dans le crime. J'ai pourri sans qu'elle soit abonnée. J'suis dans le crime. Remercie Dieu mon fils s'est enrayé. J'suis dans le crime. En sachet c'est l'offre, tu me le connais. J'suis dans le crime. Remercie Dieu mon temps s'est enrayé. J'suis dans le crime. J'suis dans le crime. J'suis dans le crime. J'suis dans le crime.